original, quase toma. En pâté ça, ça quitté à dents. Nous j'a passé, papi siège chemin. Les nous toucher, c'est une évidence. Sans vous, en cas sentiment inconscient. Pour en passer une belle petite journée. Les nous pas bien, ça qu'a fait moi souffert. Ça en besoin, c'est un seul bidin. Pâché, c'est ça qu'a souhaité.